Cette chanson, c'est un peu notre tube des années 2000. C'est une chanson qu'on a dans notre cœur parce qu'elle est trop géniale. Elle parle de gens qui sont pas gentils du tout. Elle s'appelle Les méchants gagnent tout le temps. Voilà, bah dans le monde, il y a deux types de gens, les gentils tout subis, mais les méchants gagnent tout le temps. C'est pour nous la routine. Là tu dans un paquet, on fait même des tourniquets. Car les films tu verras bien que gentil c'est un crétin. Les méchants ils sont stylés, toujours bien accompagnés. On a des bières à foison et même des verres de piquant. Où on veut des gens, on n'a pas la méchant, c'est trop génial. Merci aux caissons aussi qui nous enregistrent. Ah, Tom Sawyer, c'est déjà fait. Mais c'est pas fini. Parce qu'il reste la dernière. Non, il reste la dernière et même l'avant-dernière avant. Vas-y, je vais faire une blague. C'est une blague pour mon petit frère, parce que c'est lui qui me l'a appris. Ah, oui, il a gagné. Alors, attends. Il y a trois poussins sur une table. Des petits poussins jaunes. Hein. Ah, merde. Bon, je la fais quand même. Il va se taire, le salaud, là-haut. Il y a trois poussins sur une table. On en veut que deux. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes trop fort, de toute façon. Moi, je suis lamentable.